explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Leur nom évoque des contrées exotiques et mystérieuses, des parfums envoûtants, des saveurs douces ou brûlantes. Les épices fascinent et attisent les convoitises depuis des millénaires. Pour les premières civilisations, de l'Égypte à la Chine, en passant par la Mésopotamie ou l'Inde, ces fragments de racines, ces poignées de graines, ces lambeaux d'écorce étaient aussi précieux que l'or. À l'origine, la cuisine n'était pas l'usage principal de ces si précieuses épices. Elles entraient dans la composition de parfums ou de remèdes. Ces épices aux mille et une vertus n'ont pas tardé à conquérir l'Europe. Très tôt, des explorateurs intrépides ont risqué leur vie pour aller s'approvisionner à l'autre bout du monde. C'est incroyable quand on y pense. Des hommes ont affronté tous les dangers, ouvert de nouvelles routes terrestres et maritimes, exploré des terres inconnues pour se procurer grains de poivre, bâtons de cannelle, clous de girofle et autres noix de muscade. Aujourd'hui, nous partons sur les routes des épices à la découverte de l'usage de ces denrées à travers les siècles. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Annick Le Guerrer et Éric Birloez. Bonjour. Soyez les bienvenus. Annick Le Guerrer, vous êtes anthropologue et historienne spécialiste des odeurs et du parfum. Éric Birloez, ingénieur agronome et historien de l'alimentation. Vous faites tous les deux partie des commissaires de l'exposition La fabuleuse odyssée des épices qui se tient actuellement sur le domaine de la Roche-Jagut dans le département des Côtes d'Armor. Et nous sommes ravis de partir avec vous sur les routes des épices. Vous répondrez bien sûr aux questions que les auditeurs peuvent vous adresser en passant par la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous embarquerons dans un bateau innovant, sorte de petit laboratoire flottant, à bord duquel notre invité Corentin de Châtel-Perron tente de faire rimer technologie et écologie en développant ce que l'on appelle des low-tech. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay, préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued, avec l'aide de Cyrielle Laborde. Il faut crapahuter un peu. Vous êtes capable ? Ouais. Ok, allez. Ah oui, là on se prend pour Indiana Jones. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de serpent de... Si, si, on a plein là-dedans. Non. Bah là, ça tombe bien, on a une grappe là. Ah oui, il y a des petites graines à la base de la tige. Ici. Voilà, la cardamome. Et oui, c'est donc ça. Et ici, on l'appelle pas cardamome, mais cœur d'amant. Ouais, c'est joli, cœur d'amant. Oui, c'est très joli. Et cette épice pousse ici spontanément. Ça veut dire on peut trouver de la cardamome en forêt sans problème, introduite bien sûr à La Réunion par nos ancêtres les Indiens. Et la cardamome s'est naturalisée et les gens en fait ils vont ramasser la cardamome dans les forêts. Et ceux qui les consomment pas mal ici, on les appelle surtout les Arabes avec un Z, qui sont originaires bien sûr d'Inde. Et c'est les plus grands consommateurs, mais sinon un peu tout le monde mange de la cardamome on va dire à La Réunion. Un extrait de l'émission « On va déguster » de François-Régis Gaudry avec Patrick Fontaine, propriétaire du Jardin du Parfum et des Épices à La Réunion. Et dans cet extrait, on entendait, hein, François-Régis se prend pour Indiana Jones en partant à la découverte de la cardamome, qui a elle-même voyagé pour arriver là où elle se trouve, à La Réunion. Éric Birloez, dès qu'on s'intéresse aux épices, l'aventure et le voyage ne sont jamais très loin. Absolument, les épices sont depuis la nuit des temps de très grandes voyageuses et comme vous l'avez dit dans l'introduction, les hommes n'ont eu qu'une idée en tête, c'est d'aller au bout du monde, de risquer leur vie, leur fortune pour aller chercher ces épices qui poussaient dans des contrées très lointaines, en Indonésie, en Chine du Sud, en Inde bien évidemment, et que l'on ramenait à prix d'or jusqu'aux rives de la Méditerranée et dans l'Europe entière. Alors, elles ne sont pas forcément toutes exotiques, ces épices. Il en pousse aussi sous nos latitudes. Hein. Oui, absolument. Et c'est vrai, quand on pense épices, il y a ce genre de confusion. On pense exotisme. Alors, c'est vrai, évidemment, du poivre, du clou de girofle, de la muscade. Mais on a dans nos contrées des baies de genièvre, celles qui aromatisent la choucroute, on a le cumin, le carvi, on a l'anis, on a les graines de moutarde. Donc épice n'est pas forcément synonyme d'exotisme. Annick Le Guerrier, vous voulez en ajouter quelques-unes à notre premier aperçu des épices? Non, mais en effet, les épices viennent aussi du bassin méditerranéen et on n'a pas besoin d'aller forcément en Inde ou en Chine ou en Indonésie pour aller les chercher. Ouais. Mais les épices sont quand même très liées au soleil, et d'où d'ailleurs la valeur qui a été accordée aux épices, parce qu'elles sont filles du soleil. Les épices dès l'Antiquité sont censées pousser sur des terres brûlantes, caniculaires, et donc ce sont des énergies, des concentrés de soleil, et elles sont liées aussi au divin, et ce qui fait aussi leur prix, parce que dans l'Égypte pharaonique, pour avoir une vie après la mort, il fallait devenir un dieu, c'est-à-dire un parfumé, et l'épice est du côté du parfumé, de l'imputrescible, du divin. Ouais. D'où, en effet, la réputation de l'épice comme produit pouvant aussi faire accéder au divin. Ouais. Et le prix des épices. Éric Berloez, au fond, c'est quoi la définition d'une épice? Ça semble assez flou quand on y pense, puisque ça peut être une racine, ça peut être une écorce, ça peut être une graine. Alors, il y a effectivement cette diversité botanique, écorce dans le cas de la cannelle, graine, rhizome dans le cas du gingembre, du curcuma, ça peut être le bouton floral sec dans le cas du giroflier, etc. Donc, il y a cette diversité botanique. En fait, la définition des épices est quelque chose qui est assez flou, assez vague. On dit que les épices, ce sont des végétaux, ça c'est important, des végétaux utilisés à l'état naturel et qui vont assaisonner les plats. Mais en réalité, les usages des épices ne se limitent pas, loin s'en faut, aux seules utilisations culinaires. Et oui, c'est ce qu'on va voir dans cette émission, que même au départ, Annick Le Guerrier, vous nous le disiez, c'est associé au divin, on est dans des croyances, on est dans des rites, on n'est pas en train d'assaisonner un plat. Non, c'est associé au divin et les légendes, enfin les récits botaniques dès l'Antiquité, qui sont faits aussi pour donner encore plus de valeur aux épices, montrent ce lien avec le divin également. Mmh. Et la collecte des épices, comme celle de la cannelle par exemple, est une collecte qui demande soit du courage, parce qu'il faut affronter des animaux ailés avec des griffes, des becs menaçants, soit des chauves-souris aussi très agressives. Et donc, l'épice est un produit rare, luxueux, et il faut risquer sa vie pour aller la chercher. Et depuis longtemps, parce qu'on apprend dans votre exposition et dans le catalogue de l'exposition, la fabuleuse Odyssée des épices aux éditions Ouest France, déjà, il y a 4700 ans, la cannelle, en Chine, à sa place, on l'utilise. Bien sûr. Pourquoi en Chine, alors il y a 4700 ans, cette cannelle, par exemple? La cannelle, elle a des vertus curatives, digestives, stimulantes aussi. C'est une épice chaude, la cannelle, comme la vanille. On est plus dans la pharmacopée à cette époque-là? Pharmacie et pharmacopée sont intimement liées jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'arrivée de la synthèse. Dans la parfumerie, il n'y a pas de séparation entre parfumerie et pharmacie. Mmh. Et c'est d'autant plus vrai en France. C'est Napoléon qui a séparé la pharmacie de la parfumerie par un décret de 1810. Ouais. Et l'arrivée de la synthèse dans la parfumerie a achevé cette séparation. Mais il faut bien comprendre que dès l'Antiquité, pharmacie et parfumerie sont intimement liées. C'est pour ça d'ailleurs que le kifi, le plus célèbre des parfums égyptiens, 16 siècles avant Jésus-Christ, il contenait des baies de genièvre, servait à honorer les dieux, servait aussi à parfumer agréablement les personnes et à soigner les maladies pulmonaires, intestinales et hépatiques et à détendre comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse. Alors, vous voyez, il avait plusieurs fonctions. Vous nous parlez de ce parfum égyptien qui remonte à quoi? 3000 ans? 16 siècles avant Jésus-Christ. Il a 4000 ans ce parfum. Comment on connaît sa composition? Eh bien, on a retrouvé une formule qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ. On a aussi la formule du kifi qui est inscrite sur les murs du temple de Dendera et d'un autre temple aussi à Edfou. On a des recettes qui sont données plus tardivement par des auteurs grecs, Galien, Plutarque, Dioscoride. Et on voit l'utilisation des épices, donc très très tôt, dans l'Antiquité, dans la parfumerie-pharmacie. Mmh. Le métopion, un autre parfum de l'Égypte pharaonique, contient de la cardamome, ouais. Une épice que les Égyptiens allaient chercher en Inde en envoyant des bateaux à partir des ports de la mer Rouge. Alors le métopion, alors il est fabuleux, hein, le catalogue de l'exposition. D'ailleurs, je crois que pour le moment il est en rupture de stock, mais il va être réédité très tôt parce que on peut sentir certains parfums. Il y a des pastilles à gratter et on sent. Alors le métopion dont vous venez de parler, on peut gratter la pastille et sentir l'odeur de ce métopion égyptien, parfum des pharaons. La question que je me pose, c'est à quel point cette odeur est fidèle à ce que sentaient les pharaons ? Alors, elle est fidèle et ces parfums ont été recomposés d'après les recettes originales que je lui ai communiquées. La recette du métopion, je l'ai trouvée chez Pline l'Ancien, par ouais. exemple. Tous ces parfums ont été recomposés par un grand parfumeur contemporain qui s'appelle Dominique Ropion. Et donc, il les a recomposés à l'identique. Il n'y a pas de produit de synthèse dans ces parfums. Et dans le métopion, vous voyez, il y a du jonc odorant, du vert jus de raisin, de l'huile d'amande amère, du galbanum, du térébinthe, ouais. de la myrrhe et la fameuse cardamome. La fameuse cardamome. Alors, on peut aussi le sentir, ce parfum, dans l'exposition de La Roche-Jagu. Éric Birloez, en Égypte, on utilisait aussi ces épices pour la conservation, l'embaumement. Et oui, pour la momification, et c'était très important, évidemment, si on voulait pouvoir revivre, renaître dans l'au-delà, que l'on préserve l'intégrité du corps. Alors, on ne sait pas très précisément comment les Égyptiens s'y prenaient pour momifier, parce que c'était un rituel sacré, donc il n'était pas question que tout le monde le sache. On a quelques indications. Donc on utilise du vin de palme et des épices pour d'une part j'allais dire assaisonner entre guillemets les organes que l'on a extraits du corps. Certains d'entre eux, on les met dans des vases canopes. On en montre l'exposition qui vient du musée du Louvre, ces vases canopes contenant différents organes. Et puis donc ce corps était encore une fois assaisonné avec ce mélange d'épices, d'encens également, originaire du Yémen, et ça permettait la conservation. C'est-à-dire un des rôles des épices, c'est aussi tout simplement leur fonction antioxydante de conservation. Nous partons sur les routes des épices à la découverte de leurs utilisations à travers les époques. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Thank you. C'était Deria, Yildirim et Groupe Simsek qui chantaient Nemkaldi sur France Inter. La légende dit qu'un jour, une amphore fut trouvée dans la tombe d'un pharaon. Et lorsqu'elle fut ouverte, un parfum s'en échappa. Après tous ces milliers d'années, un parfum d'une telle subtile beauté et d'un tel pouvoir que pendant un instant, bien précis, chaque personne sur cette terre pensa se trouver au paradis. 12 essences purent être identifiées. Mais la 13e, l'essence vitale, ne put jamais être déterminée. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Parce que c'est une légende, triple buse. Extrait du film Le Parfum, il y a justement une spécialiste du parfum autour de la table, Annick Le Guerrer, avec elle Éric Birloez. Tous deux nous intéressent aux épices qui entraient dans la composition de nombreux parfums dans l'Égypte antique. Et Annick Le Guerrer, on parlait en début d'émission du métopion, on disait que c'était le parfum des pharaons, mais pour être plus exact... Tout le monde se parfumait, en tout cas, il était de bon ton de se parfumer dans l'Égypte. Et on apprend dans l'exposition et dans le catalogue de l'exposition que les maris étaient encouragés à offrir du parfum à leur femme. Si tu es un homme raisonnable et accompli, aime ta femme avec sincérité et loyauté et sache que les parfums sont les meilleurs des soins pour son corps. Bien sûr, non seulement on offrait, les prêtres offraient 3 fois par jour des parfums aux dieux, mais les hommes offraient des parfums à leurs femmes, et hommes et femmes se parfumaient dans les banquets. Ils portaient sur leurs perruques des cônes de graisse de crocodile et d'hippopotame qui étaient parfumés avec du safran, de la cannelle, du henné, de la rose. Et ces cônes fondaient doucement en dégageant de très bons effluves. Est-ce que c'était un peu fort ? Autrement dit, si on était parachuté à cette époque, est-ce qu'on en prendrait plein les narines ou est-ce qu'on apprécierait quand même ? On apprécierait parce que c'était des parfums qui avaient beaucoup de substance, de sillage et qui avaient beaucoup de séduction. Ouais. Alors, on parle de l'Égypte ancienne, mais évidemment, l'Antiquité grecque n'était pas en reste non plus. Eux aussi adoraient les parfums, étaient prêts à en dépenser des fortunes. Les Grecs adoraient les parfums et en ont fait aussi une grande consommation dans leurs thermes. Puisque les masseurs utilisaient des huiles épicées pour masser les baigneurs, qui en avaient les moyens, parce que c'était quand même assez onéreux de se faire masser avec des huiles épicées. Et lorsque Rome a conquis la Grèce, la parfumerie est entrée à Rome, et les Romains sont devenus fous de parfums épicés. Ouais, ouais. Et alors, avec tout un tas de légendes, comme vous le disiez, de légendes qui tournent autour de ces parfums, Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, explique comment on récolte la cannelle dans un arbre que l'on appelle l'acacia. À ne pas confondre avec l'acacia, plus loin, cassia. Voici par exemple comment procèdent les Arabes pour s'emparer de l'acacia, de la cannelle. C'est après s'être enveloppé de peau de bœuf et autres, le corps entier et le visage, à la seule exception des yeux, qu'ils s'en vont chercher l'acacia. Elle croît dans un lac peu profond. Sur ce lac et autour, séjournent, paraît-il, des animaux ailés ressemblant fort à des chauves-souris, qui poussent des cris terribles et opposent une vaillante résistance. Il faut les tenir écartés de ses yeux et cueillir la cannelle dans ces conditions. Éric Birloez, nous sommes 5 siècles avant Jésus-Christ et alors peut-être à son corps défendant, mais Hérodote est en train de faire du marketing, en train d'inventer toutes ces légendes. Exactement, il répète finalement ce que les marchands lui ont dit et ça depuis la nuit des temps. Eh bien, les commerçants, ils ont bien compris que de raconter de jolies histoires, ça fait monter le prix des produits. Sur la cannelle, il y a une autre légende médiévale, celle-là, qui dit que la cannelle, on ne la trouve que dans le nid du phénix. Personne n'a jamais vu, évidemment, cet animal fabuleux, cet oiseau qui, comme on le sait tous, renaît de ses cendres, mais donc il est le symbole du Christ ressuscité, et donc la cannelle c'est un avant-goût de paradis, donc on est prêt à mettre des fortunes parce qu'on veut y croire à ces belles légendes. Et d'ailleurs il y a une épice qui porte le nom de graine de paradis. Le jour où on se rendra compte que cette épice qui est la madiguette, qui est une sorte de poivre, est originaire non pas du paradis terrestre de l'Orient mais de l'Afrique, les cours vont s'effondrer parce que la belle histoire ne tient plus. Eh oui, c'est ça, c'est vraiment du marketing. C'est déjà du du marketing. Le Guerrier. C'est tout à fait ça. Alors évidemment, ça fonctionne puisque les Romains n'hésitent pas à dépenser de véritables fortunes pour avoir ces épices et ces parfums. Exactement. Et d'ailleurs, leur goût pour les épices et les substances odorantes qui les entraînent dans des voyages très coûteux en Inde, en Chine, en Arabie, ça va provoquer aussi indirectement la chute de l'Empire romain. Et ils se sont ruinés en épices, et Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ, s'indigne du coût que constituent les épices dans le budget romain, et il y voit déjà une menace pour la stabilité de l'Empire et pour les vertus d'austérité sur lesquelles la Rome antique a fondé sa puissance, puisque les soldats romains commencent à se parfumer. Ils parfument leurs étendards, ils mettent du parfum sous leur casque. C'est ça. Ils en usent et en abusent de ces parfums qui coûtent une fortune. Et Pline l'Ancien, on voyait d'ailleurs le prix des épices augmenter, parce qu'au 4e siècle après Jésus-Christ, une livre de safran coûte 2000 deniers, ce qui était énorme. Et Pline l'Ancien, en fait, avait du flair, parce que Rome va s'effondrer 3 siècles plus tard. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment à cause des épices ? Le coût pour les matières aromatiques dont les épices faisaient partie a grevé considérablement le budget romain. Ouais. Avec ces soldats qui mettaient tout ce parfum sur leur casque et leurs étendards. Il y avait une débauche d'épices dans les banquets. On offrait dans les banquets des parfums, au mépris d'ailleurs, au détriment de ce qu'il y avait quelquefois dans l'assiette. On préférait se parfumer. Recevoir un beau parfum que de bien manger et de bien boire. Ouais, ça a un peu changé aujourd'hui. Alors, on préférait les utiliser dans la nourriture. Les Romains parfumaient tout. Ils parfumaient leurs animaux, leurs chiens, leurs chevaux. Ils se parfumaient les pieds. Ils parfumaient leurs vêtements. Les empereurs romains parfumaient leurs murs, jetaient du safran sur les scènes des théâtres. On déversait du safran sur les spectateurs du Colisée. Donc il y avait des dépenses d'épices qui étaient quand même considérables. Éric Berloez. Ouais, les épices avaient évidemment ce coût absolument prohibitif. D'ailleurs, il nous en reste quelque chose qui est l'expression « payer en espèces ». Au Moyen-Âge, dans la société qui n'était pas monétarisée, on n'a pas de billets de banque, on n'a pas beaucoup de pièces d'or et d'argent en circulation, eh bien on troque. Si on veut corrompre un juge, on peut lui remettre un petit paquet de noix de muscade ou de poivre. C'est pas sûr que ça marche encore aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait ce prix. On payait en espèces. Et puis, évidemment, dès lors qu'une matière est qu'une denrée est coûteuse, les fraudes arrivent. On parlait du safran tout à l'heure. Encore aujourd'hui, on peut se faire avoir si on achète du safran en poudre. On n'est pas sûr que ça n'est pas du curcuma, où on mettait des baies de genièvre à la place du poivre. Donc depuis longtemps, ce coût a généré des falsifications et des fraudes. Alors, ceux qui, pendant longtemps, ont eu la main sur le commerce et le transit de toutes ces épices, ce sont les marchands arabes. Ça commence il y a 4000 ans et ça a duré plusieurs millénaires. Oui, Quelles étaient les routes, les trajets empruntés par ces marchands arabes ? Alors, en fait, il y a eu plusieurs routes des épices dans l'histoire. Alors, probablement d'abord des routes maritimes. Donc, on naviguait en suivant les côtes depuis l'Indonésie, depuis la Malaisie, depuis la Chine du Sud, et les marchands arabes allaient jusqu'en Inde pour acheter aux marchands chinois, malais, indonésiens des épices qu'ils ramenaient en remontant, par exemple, la mer Rouge. Donc ça va durer très longtemps. Il y a la fameuse route de la soie, qui n'était évidemment pas qu'une route de la soie. Tout un tas d'épices et d'autres denrées précieuses circulaient, et c'était pas une route. Donc c'était cette route, mais plutôt ce réseau de routes qui partait du centre de la Chine, qui traversait la Chine, le désert de Gobi, l'Afghanistan, et qui arrivait au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et de là, les Génois, les Vénitiens, bien évidemment, faisaient le commerce des épices en Méditerranée. Ça, c'est à la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, les choses vont changer. On va se lancer à la conquête des épices directement à la source, sur les berceaux de production. On n'y est pas encore. Annick Le Guerrier, les épices, si elles intéressent les marchands arabes, elles intéressent aussi les populations arabes. C'est-à-dire que pour eux aussi, ces épices ont une importance. Qu'est-ce qu'ils en font, les Arabes, de ces épices, eux ? Bien, Mahomet considérait que le parfum était une des choses les plus importantes dans la vie. une des trois choses qu'il aimait le plus au monde. Ouais. Et les épices apportent au parfum d'autres vertus curatives et purifiantes. Et donc, dans la société arabe, les parfums épicés étaient utilisés aussi pour se purifier, se soigner, se purifier. Ouais. Éric Birloué, c'est... Et agir sur la, sur la droiture des sens, parce que lorsque les sens sont droits, disait Avicenne, les pensées sont droites. Ah. Oui, il y a presque une moralité, il y avait une moralité associée aux épices. Voilà, il fallait purifier les sens pour avoir des pensées justes. Éric Birloez, les épices vont connaître un regain d'intérêt en Occident au moment des croisades, 12e et 13e siècle. On redécouvre un peu ces épices? Oui, on les redécouvre, hein, puisqu'on a vu que les Grecs et les Romains en faisaient un grand usage, mais elles vont tomber un peu dans l'oubli. Et les croisades, c'est évidemment un moment où on redécouvre les épices. Et à la fin du Moyen-Âge, au 14e et au 15e siècle, c'est une véritable folie des épices qui s'empare des cours royales et princières européennes. Et là, on est prêt à tout pour aller chercher les épices. Certains marchands vont faire de longs périples pour ces épices, comme le Vénitien, un certain Marco Polo, parti à 17 ans avec son père et son oncle. Avouez, mon père, que nous avançons assez vite et que nous avons rencontré sur notre chemin bien des choses curieuses. Je ne dis point que les voyages forment la jeunesse. Mais crois-tu que c'est pour ton plaisir que nous t'avons amené ici? Tu ne feras jamais un commerçant. C'est possible. Mais ce que vous gagnez à acheter et à vendre n'est rien comparé aux richesses que nous avons entrevues. Ces montagnes de sel, ces ports comblés d'épices, ces écharpes pleines d'or et de pierreries, ces nappes d'huile, ces champs, ces vergers, des tapis d'Ispahan, des cachemires de Perse. Il y a là de quoi fonder un empire. Éric Birloez, Marco Polo va voyager pendant combien de temps? Oui, un peu plus de 20 ans son séjour. Son séjour en Chine. Bon, alors évidemment, on prend toujours un peu avec des pincettes le récit que Marco Polo a dicté dans sa cellule, mais il est évident que au cours de ses pérégrinations, il a rencontré des épices. Ouais. Et Annick Le Guérer, à cette époque, les épices que l'on rapporte en Europe, on en fait quoi? Au Moyen-Âge, alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces épices? Au Moyen-Âge, évidemment, on n'offre plus des parfums épicés aux dieux. Comme c'était le cas dans l'Antiquité, ouais, où on farcissait les carcasses d'animaux, d'épices et de produits odorants que l'on brûlait. Et la fumée s'élevait vers le ciel pour établir une communication verticale entre les dieux et les hommes. Au Moyen-Âge, on n'a plus ces pratiques. Et les parfums épicés sont utilisés surtout dans la thérapeutique, parce que l'Église en Europe met un veto sur l'utilisation profane du parfum, mais l'usage thérapeutique du parfum se répand avec les religieux dont une de leurs missions est de soigner les malades. Et il y a des religieux comme l'abbesse Hildegarde de Bingen au XIIe siècle qui, dans son monastère de Rupersberg en Allemagne, en Rhénanie, composait des parfums épicés pour soigner les malades, des parfums et des vins épicés. Elle avait mis au point notamment un parfum à la cannelle pour soigner les maux de tête et des vins au fenouil pour soigner aussi les problèmes cardiaques. Donc les épices entrent dans les parfums épicés, mais essentiellement à la thérapeutique. Il faut dire quand même, il y a une recette de parfum aphrodisiaque très célèbre au Moyen-Âge, dont il n'est pas question dans l'exposition, mais c'est un parfum qui s'appelait le diazathyrion. Un parfum aphrodisiaque où entrait beaucoup d'épices, notamment le gingembre, le poivre, le safran. Et ce parfum, le diazathyrion, était fait à partir de tubercules apparentés à des orchidées, tubercules qui s'appelaient couillon de chien ou couillon de renard. Et il y avait d'autres produits comme les pois chiches, le sureau. Et c'était un produit aphrodisiaque. Donc, alors, il y avait ce côté aphrodisiaque que l'on accole aux épices et souvent au gingembre, hein, que vous avez gingembre, cité. Voilà. Est-ce qu'il est démontré aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on l'entend encore dit aujourd'hui. Éric Birloez, est-ce qu'aujourd'hui on sait un peu plus précisément les vraies propriétés de ces épices sur notre organisme? Bien sûr qu'il y a des études qui ont été faites. Alors, c'est vrai que Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les épices étant des produits tellement précieux, tellement rares, tellement coûteux, qu'on considérait qu'ils ne pouvaient qu'être bons pour la santé et pour la vigueur sexuelle. Donc c'était absolument évident, personne ne remettait ça en cause. On a revu, enfin la science moderne a revu à la baisse quand même toutes ces vertus attribuées aux épices. Il en reste malgré tout des choses, les propriétés digestives de nombreuses épices, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, de l'huile essentielle de cannelle qu'on évoquait tout à l'heure, ou évidemment du clou de girofle. On se souvient peut-être des amalgames des dentistes d'autrefois qui sentaient le clou de girofle, c'est un réel bactéricide et antiviral. Et pour le côté aphrodisiaque, alors bon, évidemment, comme toujours, beaucoup de choses ont été exagérées, mais des expériences qui ont été menées sur les rats ont montré qu'ils avaient une propension à copuler plus importante lorsqu'ils grignotaient des petits morceaux de gingembre. Alors, il y a Annick Le Gréhère qui trépigne de donner son avis sur... parce qu'aujourd'hui, on redécouvre les vertus du curcuma qui renforcerait les défenses immunitaires. Ah, d'accord. Je croyais que vous alliez me parler d'aphrodisiaque. Mais pour le curcuma, effectivement, on a montré des choses très intéressantes anti-inflammatoires, antimicrobiennes, mais aussi anticancéreuses. Pour le moment, rien n'est prouvé chez l'homme. C'est uniquement en laboratoire. Sur des rats, on voit des choses intéressantes, mais l'homme n'est pas un rat de 70 kilos. Évidemment, on va avoir l'occasion d'y revenir à ses propriétés des épices. Nous poursuivons nos pérégrinations parfumées. Le temps d'un bivouac sur la route des épices avec Annick Le Gréhère et Éric Birloez. C'était Papillon, chanté par Voyou sur France Inter. Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest ? Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'un an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Et extrait de 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, près de deux siècles après Marco Polo, c'est encore la quête des épices et de l'or aussi qui pousse cet explorateur qui marquera l'histoire à prendre le large et à braver tous les dangers parce qu'il parle. Lui, c'est l'Asie hein, qu'il veut rejoindre, bien Éric Berloise. Oui, tout à fait. Et ça montre bien que les épices ont été vraiment les moteurs de l'histoire humaine en permettant la découverte d'un nouveau monde. Ça, c'est le cas de Christophe Colomb. Et avant lui, il y a eu les Portugais qui ont été les premiers, au début du XVe siècle, à longer les côtes de l'Afrique, à franchir le cap de Bonne-Espérance, et puis à mettre le cap sur Calicut en Inde. Et ça va faire du Portugal une grande nation. Alors que c'est un tout petit pays d'à peine 1 million d'habitants. Mais les quantités d'épices que l'on trouve en Inde, lui permettent d'être extrêmement puissant. Pourquoi les Portugais cherchent à contourner et à éviter la voie classique, hein, ces fameuses routes qui passent par les terres? Pourquoi veulent-ils contourner toute l'Afrique? Alors, les routes par les terres étaient en fait un monopole des marchands arabes. Ouais. Plus tard, mais ça sera seulement plus tard, il y aura la prise de Constantinople par les Turcs ottomans qui vont véritablement bloquer l'arrivée des épices dans les ports auxquels les chrétiens avaient la coutume d'y aller. Et puis, Henri le Navigateur, qui est ce prince portugais qui lance ses expéditions, il n'a pas beaucoup navigué, mais il est quand même allé à Ceuta, au Maroc actuel, et il a vu les richesses de l'Afrique. Pour lui, c'est un continent à explorer. Ouais. Et donc, il lance des navires le long des côtes de l'Afrique. Alors, ça va mettre quand même pas mal de temps, mais on va réussir à contourner l'Afrique. Ce sont les Portugais qui vont le faire en 1498 avec Vasco de Gama. Et Annick Le Guerrier, pour revenir à Christophe Colomb, alors lui, c'était l'Asie qu'il visait. Il se retrouve en Amérique, mais c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles épices. La vanille au Mexique. Et puis le piment à la Jamaïque. Et donc ces épices vont entrer, mais la vanille va entrer tardivement dans la parfumerie parce qu'on ne savait pas comment la polliniser. Elle se pollinise à la main. Et le travail de la vanille est un travail très long, très difficile, puisque la gousse de vanille arrive à maturité au bout de 9 mois. Ensuite, pendant 6 mois, il faut la faire suer sous des couvertures, la masser. La masser, oui. L'ébouillanter très rapidement. Et donc, quand on voit des gousses de vanille dans les magasins qui coûtent 15 euros de gousse, on trouve que c'est cher, mais il faut se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, la vanille est arrivée très tard dans la parfumerie. La vanille, en fait, elle arrive au début du 20e. Et il y a des parfumeurs comme François Coty, un grand parfumeur, le Napoléon de la parfumerie, comme il a été surnommé. Il a été aussi appelé le vanillard, parce qu'il mettait de la vanille partout. C'est une épice qui est chaude, qui séduit facilement. Guerlain a fait de la vanille aussi, la guerlinade, sa signature. Ouais. Alors vous êtes déjà dans les parfumeurs de notre époque, hein. Vous allez vite, Annick Le Guerrier. Je vais trop vite. Là. Restons un petit peu dans l'époque où nous étions, la Renaissance, si vous voulez bien. Vous parlez de l'eau de Cordoue, là encore dans le catalogue de l'exposition La Fabuleuse Odyssée des Épices, parue chez Ouest France, où l'on peut sentir différents parfums. Vous nous donnez à sentir un parfum de Renaissance. Oui, l'eau de Cordoue, c'était un parfum qui était fait avec de l'eau de rose et avec de l'eau d'ange. Et dans l'eau d'ange, il y avait 3 épices, du safran, de la coriandre et du clou de girofle. Et ce parfum contenait un produit nouveau aussi, qui n'était pas une épice, c'était le benjoin, qui venait de Sumatra, une région où il y a aussi des épices. Hein. Oui. Et donc ces nouvelles voies maritimes ouvertes par les navigateurs va être très productive en ressources épicées, puisque on découvre de nouveaux produits comme le benjoin et on revient aussi les navires reviennent chargés d'épices. Ouais. Alors dans cette histoire, Éric Berloise, on a parlé des Portugais, des Hollandais, on a l'impression que toute l'Europe se lance à la conquête de ces épices. Sauf la France qui traîne. Oui, alors il faut que Colbert se rende compte de la situation pour que les choses commencent à changer. Donc il va créer, mais d'autres pays l'ont fait avant, une compagnie des Indes orientales dont le siège sera à Port-Louis et ça deviendra la ville de Lorient. À l'époque, c'est vers l'Orient, bien évidemment. Donc la France va avoir quelques comptoirs en Inde qui sont connus, Pondichéry, Chandernagore, etc. Mais la France ne sera jamais un grand acteur du commerce des épices. Les deux grands acteurs ont été, on l'a vu, les Portugais et ensuite les Hollandais. Alors eux qui vraiment vont avoir un monopole sur les épices encore les plus précieuses au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe, qui étaient le clou de girofle et la noix de muscade, qu'on ne trouvait que dans les îles Moluques, c'est-à-dire en Indonésie actuelle, et les Hollandais avaient le monopole de ces îles, de la production et du commerce. Alors presque 100 ans après que la France crée en 1664, avec Colbert, ministre de Louis XIV, crée cette compagnie des Indes orientales, 100 ans après, la France a quand même son explorateur des épices, le bien nommé Pierre Poivre, le voici rendant compte de sa mission à la Compagnie des Indes. Outre ce que j'ai fait pour l'objet essentiel de mon voyage, j'ai ouvert le commerce de nos îles avec Manille. Ce commerce, renouvelé de 3 ans en 3 ans et concerté avec les amateurs de Pondichéry, pourrait être fort utile à cette colonie. J'ai la gloire d'être le premier Français qui ait reconnu ce vaste empire que la Compagnie de Hollande s'est formée dans les Moluques, où elle possède, dans le secret, une source immense de richesses, d'où elle tire sans cesse et qu'elle ne pourra jamais épuiser. Extrait d'une fiction de France Culture diffusée en 1969. Ce personnage, Pierre Poivre, hein, qui est quand même moins connu qu'un Magellan, qu'un Christophe Colomb, qu'un Vasco de Gama, il a quand même une vie incroyable et puis un nom complètement prédestiné. On connaît peu, Pierre Poivre. Complètement, Pierre Poivre, et effectivement, c'est un grand nom de la quête des épices. Et en fait, ça va être celui qui va briser le dernier monopole, qui est donc le monopole des Hollandais sur le clou de girofle et la noix de muscade particulièrement. Un roman d'aventure, il y a tout un tas de péripéties. Il va être attaqué par des pirates, il va perdre dans la bataille la main droite par un boulet de canon, il va jamais se décourager et son obsession, c'est de dérober aux Hollandais, mais là il prend vraiment un risque pour sa vie, de dérober des plants de girofliers, des plants de muscade et de les implanter sur les territoires français où ces plantes peuvent pousser à La Réunion, plus tard en Martinique, en Guyane, à l'île Maurice également. C'est à lui que l'on doit le fait que toutes ces îles lointaines qui appartiennent encore aujourd'hui à la France... Bien sûr, se sont couvertes d'épices. Allez, suite et fin de notre odyssée des épices dans un instant. Et nous allons parler à Annick Le Guérère, évidemment, des parfums actuels et de l'usage des épices aujourd'hui. Box. Say you wanna change time, just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't wanna come to. You don't want no champagne. You don't want no cookie. You like the modern loving, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you worth. My angel on earth. This morning on my cell phone, before I started reading, I felt my heart bleeding. You don't like your advice, you're in by those silly guys. You don't want no cocaine, you don't want no champagne. I don't want no cocktails. C'était My Angel de Winston McAnuff et Fixie sur France Inter, le temps d'un bivouac. Après, si on veut, par exemple, sur des notes de fraîcheur, alors on peut déjà aller sur toutes ces saveurs anisées, du gros anis vert au gros fenouil, à la nette, aux différents anis, à la badiane, c'est de la fraîcheur. Mais dans la fraîcheur, on va trouver aussi du galanga, qui va apporter à la fois du feu, mais une fraîcheur qui va presque se rapprocher d'une résine de pin, presque une pastille Valda, quoi. Mais dans cette gamme, vous avez les cardamomes, qui donne aussi cette impression de grande fraîcheur, qui va presque vous purifier votre intérieur. Mais on s'aperçoit qu'il nous manque de la rondeur, donc on va vaniller un peu plus, on va lui mettre un peu de massie, et puis on va aller plus loin en disant il faut que ce soit plus doux. Donc dans notre base, on s'est dit on aurait peut-être dû ajouter de la cannelle. Et ensuite, la gamme, elle est quasiment infinie, hein. Le chef cuisinier Olivier Rollinger maniant les épices et toute leur complexité, toute leur saveur avec un tel brio que ça en met l'eau à la bouche. Nous parlons de cette exposition, la fabuleuse Odyssée des épices qui se tient actuellement dans le domaine départemental de la Roche-Jagut dans les Côtes d'Armor. Nous sommes avec deux des commissaires de cette exposition, Éric Birlouez et Annick Le Guérère. Et alors on reçoit des messages d'auditeurs qui nous disent, là on était dans la gastronomie, un certain Olivier qui nous dit « N'oubliez pas de signaler l'excellent resto Le Petit Jagut qui participe à sa façon à cette odyssée des épices dont la chef Gwen figure en bonne place dans le catalogue de l'expo. » Alors il y a effectivement matière à les déguster dans cette exposition, ces épices. En effet, elle fait une cuisine délicieuse et elle utilise les épices avec talent. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans sa cuisine à Gwen ? Des bouillons, des ragoûts, des compotes épicées. Elle fait beaucoup de choses végétariennes, mais les épices sont très présentes. Éric Birlouez. Oui, dans le catalogue, il y a d'ailleurs un exemple d'utilisation des épices dans les boissons. C'est l'Hippocrase, le célèbre vin du Moyen-Âge, dans lequel on mettait du sucre et moult épices à foison, comme on disait à l'époque. Il y a également une soupe de chou-fleur aux graines de paradis, un curry de carottes, chou-fleur et doigts de coco, etc. Ah ouais, alors ça, vous êtes en train de nous mettre l'eau à la bouche avec tout ça. Pendant un moment, il y a eu un petit désintérêt pour les épices dans la gastronomie. Au milieu du XVIIe siècle, on a l'impression qu'on couvre le goût des aliments avec ces épices. Elles sont revenues en grâce aujourd'hui. Oui, exactement. Alors ce qui se passe, c'est deux choses. C'est d'une part, la production augmente et finalement, les épices deviennent moins chères et du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Oui. Car c'était un marqueur de richesse également, les épices. Et puis, au milieu du XVIIe siècle, il faut une nouvelle cuisine, la grande cuisine française de Louis XIV, qui décrète que non, les épices, vraiment, c'est pas bien parce que ça écrase le goût des aliments. Il faut revenir à des choses plus subtiles, plus discrètes. Donc, c'est l'avènement des herbes aromatiques locales. Et puis, récemment, de nouveau, un intérêt pour les épices parce que on aime les cuisines du monde, les voyages, la découverte de nouvelles saveurs et de plats exotiques. Ça contribue à renforcer l'intérêt pour les épices. Alors, peut-être plus un marqueur social aujourd'hui, mais un marqueur d'ouverture d'esprit. Quand on aime les épices, on a envie de s'ouvrir au monde et à ses mille et une saveurs. Annick Le Guérère, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au XIVe siècle, quand on parle de marqueur social, il y a cette pomme de senteur qui est à la fois une façon de se prémunir de maladies, mais aussi de montrer à quel point on est riche. Bien sûr, parce que la pomme de senteur, c'était des produits aromatiques et des épices qui étaient concassés et enfermés dans un objet précieux, une boule en or ou en argent, recouverte de pierres précieuses ou de perles. Et cette pomme, cette boule, on la portait à son nez quand on descendait dans la rue pour éloigner les mauvaises odeurs que l'on confondait avec les maladies. Parce qu'on pensait que les mauvaises odeurs pénétraient par le nez, la bouche, les pores de la peau et communiquaient des maladies. Donc il fallait se parfumer et respirer cette pomme de senteur qui était en effet un objet prophylactique et un marqueur social parce que seuls les aristocrates, les seigneurs avaient accès à ces objets. Ça coûtait très cher. Alors aujourd'hui dans la parfumerie actuelle, est-ce qu'on utilise encore les épices, Annick Le Guérère ? Alors, c'est une question très intéressante parce que les épices, comme on l'a vu, sont présentes dès l'Antiquité dans les parfums et à notre époque, les épices sont moins présentes. Pourquoi ? Elles sont moins présentes d'une part parce que nos contemporains aiment les parfums addictifs, sucrés. Ils ont un goût pour le sucre. Le parfum est une sorte de refuge qui doit les tranquilliser. Et les épices, ce sont des produits très nobles qui donnent beaucoup d'élégance au parfum, qui boostent les notes de tête, mais ce sont des produits plus difficiles d'accès. Il n'y a pas un consensus immédiat sur l'épice. Il faut l'apprivoiser. Et nos contemporains aujourd'hui sont un petit peu, vont un peu dans la facilité en choisissant le sucre au détriment de l'épice. On sent un regret de votre part. Vous trouvez que les parfumeurs ne sont pas assez audacieux? Oui, pas les parfumeurs, mais c'est la demande. Oui. C'est la demande du public. Et en effet, pour les grands parfumeurs, les épices, c'est le summum de la parfumerie, c'est la Rolls-Royce de la parfumerie, l'épice. Mmh. C'est un produit qui donne beaucoup d'élégance au parfum. Et l'écriture d'un grand parfum ne peut pas se faire sans épices. Un ou deux exemples d'épices qu'on utilise dans la parfumerie aujourd'hui. Alors, je ne peux pas donner des noms de marques. Non, bien sûr, mais des noms d'épices. Alors, le safran vient d'être utilisé dans un parfum qui a été lancé par une marque de niche très célèbre. Et un grand parfumeur a fait un parfum. Si vous citez plusieurs marques de parfums, on peut en citer. Voilà. Hein, allez-y, alors, vous pouvez les donner. Frédéric Malle a lancé un parfum qui contient du safran. Et ce parfum contient aussi un bois précieux. Et il coûte plus de 1100 euros les 100 millilitres, vous voyez. Ouais, donc, ça redonne justement, ça me redonne de l'espoir parce que cette réutilisation des épices dans les parfums de haute parfumerie, c'est une tendance qui va être lancée. Et si nos contemporains voulaient bien les ressentir, les épices dans les parfums, ils auraient beaucoup de plaisir. Ça vaut mieux que le caramel ou les fruits rouges, vous voyez. D'accord, on a compris le message. Il faut un peu éduquer notre nez et ne pas aller à la facilité. Allez, encore quelques questions d'auditeurs. Rodolphe, Éric Birloez, quelle différence y a-t-il entre épices et aromates? Alors en fait, il y a une grande catégorie qu'on appelle les aromates, dans laquelle on va trouver les épices au sens strict, les herbes aromatiques, la menthe, le basilic, etc. Et puis les condiments. Mais encore une fois, les frontières entre ces différentes sous-catégories sont un petit peu floues. Alors une question d'Hubert, alors il va falloir y répondre rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Qu'en est-il des civilisations nabatéennes? Ils utilisaient également des épices et en faisaient leur commerce, vous dit Hubert, Annick Le Guerrer. C'était surtout l'encens, ouais. Et la myrrhe. Les Nabatéens avaient le contrôle de ce trafic de l'encens et de la myrrhe. En ce qui concerne les épices, c'était pas leur spécialité. Hein. Mmh. C'était essentiellement l'encens et la myrrhe qui venaient du Yémen et de l'Oman. Pour en savoir plus, la fabuleuse odyssée des épices qui se tient actuellement sur le domaine de la Roche-Jagut dans le département des Côtes d'Armor. Et puis le livre, le catalogue de l'exposition aux éditions Ouest-France, toujours sous le titre « La fabuleuse odyssée des épices ». Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Corentin de Châtel-Perron. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors vous cultivez beaucoup de choses sur votre bateau nomade, des mers, des algues, des salades, des champignons. Est-ce que vous cultivez des épices? Alors des herbes aromatiques, ah, mais pas des épices. Très bien, vous avez retenu la leçon. Et avec votre bateau, vous avez fait d'ailleurs la route des épices, ou en tout cas une d'entre elles, puisque vous avez contourné toute l'Afrique. Vous vous êtes lancé dans une aventure qui tente de faire rimer technologie et écologie. Le but, c'est de développer ce qu'on appelle les low-tech, des innovations développement durable qui permettent de vivre en autonomie sur votre bateau, mais avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Vous allez nous en dire plus dans la suite de cette émission. On est impatients de vous suivre sur votre bateau nomade des mers. Arrêt à l'abordage, papa. Souquez les Artémuses. Ça veut rien dire, souquez les Artémuses.